votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h, bonjour, sur Radio Campus. Nous sommes le 20 juin 2020, il est midi, vous écoutez Radio Campus sur 106,6 MHz, sur campuslille.com ou sur DAB+. C'est l'heure d'Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux Attaque de la Métropole. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Cette émission a été enregistrée le 16 juin au domicile d'un des animateurs, Quentin, qui a géré l'aspect technique. Florent n'étant pas disponible ce jour-là. Christian, en vacances, n'était pas non plus présent pour cet enregistrement. Nous n'avions pas d'invité. C'est donc Quentin, Ludovic, Didier et moi-même qui avons animé cette émission. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Ces derniers temps, un terme revient souvent, le monde d'après. Autrement dit, l'après-pandémie devra être différente de l'avant. Mais attention! S'agira-t-il de véritables réformes ou d'un simple habillage cosmétique permettant de poursuivre la marchandisation du monde? Ou plus grave, les dominants, se sentant menacés dans leur légitimité, ne seront-ils pas tentés par un durcissement accentué du néolibéralisme sur fond de généralisation de la surveillance via de nouvelles applications techniques et numériques? Ou bien la convergence des mouvements militants, le printemps des gauches et récemment la formidable mobilisation contre les violences policières et racistes aux États-Unis et en France auront-elles suffisamment de force pour faire reculer le pouvoir et infléchir ses décisions? C'est à toutes ces questions que nous avons consacré cette émission en y tentant d'y apporter quelques réponses. Et je passe la parole à Ludovic qui va nous présenter le premier scénario possible, le néolibéralisme restauré. Oui, alors pour parler de ce monde d'après, on s'est appuyé sur l'article publié sur le site Mediapart qui a été écrit par deux auteurs, Romaric Godin, donc, bien connu de nos auditeurs parce qu'il était invité en septembre dernier, je crois, sur notre mission, et Fabien Scalona, donc journaliste à Mediapart et qui lui vient plutôt des sciences politiques. Donc un article qui je pense va faire date, qui esquisse quatre scénarios du monde d'après. Monde d'après bien sûr entre guillemets, puisqu'on n'a pas encore on n'est pas encore sorti tout à fait de cette pandémie. Donc l'idée c'est un peu de présenter, et l'émission va un peu se structurer autour de ces quatre scénarios. Le premier scénario donc esquissé par donc les deux auteurs, c'est celui d'un, je cite, d'un néolibéralisme zombie, qui fait référence au concept de catholicisme zombie par Emmanuel Todd, et qui lui est le scénario peut-être le plus probable, qui consiste ni plus ni moins à conserver l'ordre ancien, l'ordre donc néolibéral, hein, donc le business as usual. Le deuxième scénario, ça serait un scénario de repli dirigiste et xénophobe qui serait accompli par une droite autoritaire césariste, si on voulait utiliser les termes de Gramsci. Un troisième scénario serait une forme de résurrection de la social-démocratie, mais qui serait qui se ferait sur d'autres prémices que la social-démocratie historique, et qui prendrait notamment qui s'appuierait notamment sur les questions écologiques. Et le quatrième scénario, qui est à mon avis le plus peut-être le plus souhaitable pour en discuter, mais qui semble aussi le plus utopiste au regard du rapport de force actuel, c'est le scénario, je cite Romaric Godin, post-capitaliste et écologique, et qui lui donc correspond à la victoire d'une gauche plébéienne et inclusive. Donc je vais donner quelques éléments du premier scénario, qui est le scénario le plus probable, même si après tout peut arriver, et on n'est pas à l'abri peut-être d'une révolution si les gens sont. Pendant les confinements, les gens ont sans doute ont dû peut-être cantonner leur colère, donc on peut imaginer peut-être des révoltes, mais bon, de toute évidence, le scénario 1 est le plus probable. Donc face aux incertitudes, la tendance qui risque de s'imposer est celle de consistant non à construire du neuf, mais bien plutôt à sauver ce qui reste de l'ordre ancien, En effet, dans l'urgence, le premier réflexe, bien souvent, c'est la conservation plutôt que le fait de lancer des expériences qui ajoutent de l'incertitude à l'incertitude. Et l'élément cardinal de cet ordre ancien, c'est bien sûr le néolibéralisme, qui représente le conservatisme capable de fédérer les craintes et les intérêts au maintien d'un statu quo économique. D'autant que les mots à la mode du moment, donc État, relance, protection, souveraineté, ne lui sont pas entièrement étrangers, comme vous le savez, parce que sans doute nos auditeurs savent la différence entre libéralisme et néolibéralisme. Le néolibéralisme n'a jamais cherché l'effacement de l'État et n'a jamais prétendu interdire toute intervention de ce dernier pour sauvegarder les marchés et le capitalisme et aider la société à entrer dans les modèles macroéconomiques dominants. Donc il peut tout à fait se saisir de ces mots, donc, qui semblaient encore il y a quelques semaines tabous, ou en tout cas entachés par une connotation négative, hein, je pense au terme de planification, ou de souveraineté, hein, et de souverainisme, et on peut tout à fait penser que le néolibéralisme pourra utiliser ces mots et en tout cas se servir de l'État pour servir ses intérêts. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus, éventuellement pour abonder dans mon sens, si cette réflexion vous parle, en tout cas sur le fait que l'État que marché et État ne s'opposent pas, et je pense qu'on le voit d'ailleurs à la faveur de cette crise, on le voit, c'est l'État qui en quelque sorte vient en aide des entreprises via notamment le chômage partiel. Quentin, quand on qualifie le scénario de entre guillemets, je dirais plus probable, c'est un scénario qui est dans la lignée de ce qui était le déroulé du quinquennat Macron avant la crise. En fait, c'est un peu un retour au ronron de la réforme néolibérale menée par Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'on sent qu'il est plus probable. Déjà parce qu'on a des signes dans les déclarations du président de dimanche dernier, mais aussi dans les différentes actions qui ont été menées dans le sens du redressement économique, on voit que c'est le même orchestre, c'est la même partition en fait. Macron a toujours cette emprise sur le pouvoir avec un législatif qui obéit à ses desiderata. Et j'ai pas vraiment l'impression on n'a pas la sensation aujourd'hui d'un changement de cap quelconque. Oui, enfin, je crois aussi que la forme de l'État, c'est l'État capitaliste. Bon, il y a Bourdieu qui parlait de la main droite et de la main gauche de l'État, une pour distribuer en gros, et une pour justement pour favoriser, pour punir et pour favoriser les entreprises. Bon, on voit quand même dans la période que les grands gagnants ont été quand même les entreprises. Enfin, je parle de notamment enfin toutes les entreprises, l'aviation, l'automobile. On a tenu vraiment à ce que l'économie tienne encore. Mais bon, il y a quand même aussi la question de l'État, comme on parle de socialisation des pertes justement et de privatisation des profits. Bon, l'État joue parfaitement le jeu du libéralisme actuellement, et il n'a pas du tout le rôle qu'il pourrait jouer dans l'économie en étant justement souvent actionnaire de plusieurs entreprises publiques. Il aurait quand même un rôle à jouer dans l'économie, ce qu'on appelait le colbertisme dans le temps. Il ne le joue plus du tout et il est simplement au service des marchés. Oui, René. Faut pas oublier que le néolibéralisme peut aussi jouer sur certaines peurs, enfin justement la peur de l'incertitude, donc la peur, avec le chantage à l'emploi. Il peut aussi, à contrario, se présenter comme une nouvelle forme de modernité. Enfin, il peut jouer aussi avec ses ingrédients. On parle notamment là du numérique qui a quand même ce qui s'est bien développé durant le confinement, hein, de cette là, il pourrait apparaître à certaines catégories comme attrayant sur cet aspect-là. Oui, Quentin. Oui, pour aller dans ton sens, René, c'est un peu aussi le côté, comment dire, l'effet réflexe de dire, par exemple, donc quand on voit les annonces du MEDEF et toutes les propositions, c'était le cabinet Montaigne qui avait proposé, donc assez proche des idées libérales et néolibérales, qui avait fait des recommandations. On voit que on revient à de la compétitivité étatique, donc on revient à la question de dire pour sortir de la crise du coronavirus, la solution c'est la même qu'avant, c'est il faut que notre pays soit plus compétitif que les autres et il faut un choc de compétitivité à l'international, à l'export, pour redresser le pays. Et donc on parle de planification, on oublie le fait de donner la capacité de consommation aux personnes. Voilà, il y a énormément d'idées qui sont totalement oubliées ou non évoquées lorsqu'on reprend le discours commun de « il faut qu'on soit plus compétitif », c'est la solution, l'unique solution qu'on a dans ce discours. Oui, alors je pense que le cas d'école, c'est les accords de performance collective qui avaient été qui ont été actés en 2017 et qui font retour à la faveur de cette crise, qui sont en fait des espèces d'accords de dupes. En fait, pour maintenir en fait l'emploi, on va obliger les salariés à accepter qu'on gèle leur salaire, par exemple, ou à voilà, une espèce de chantage à l'emploi qui, là aussi, est une manière on voit bien que la crise est pas... Enfin, on voit bien que c'est plutôt cette tendance-là qui apparaît la plus prégnante, et qui semble en tout cas se dessiner, parce que pour l'instant, la crise sociale n'est pas encore vraiment, vraiment là, mais je pense que le chantage à l'emploi va être exercé par pas mal d'entreprises, et on peut imaginer que l'État sera beaucoup plus du côté des employeurs que des salariés. Voilà, donc je pense qu'effectivement, ça plaide plutôt, pour l'instant, pour le statu quo néolibéral, et donc pour ce scénario. Je ne sais pas si Didier... Non, je voulais simplement dire que, enfin, en plus, ça correspond à ce que tu dis, enfin, par rapport à le rôle qu'aurait pu jouer l'État dans son rôle, justement, il l'a en partie joué, de donner, évidemment, des crédits aux entreprises. Bon, on aurait pu penser que... Il aurait pu justement exiger d'elle une politique, une contrepartie, sinon sociale en tout cas, des mesures écologiques, ou simplement le fait de ne pas rémunérer l'actionnaire. Mais ça on l'a vraiment pas vu, et c'est quand même un signe inquiétant. Oui, justement, concernant les mesures écologiques ou de transition écologique, est-ce que cet État, enfin ce nouveau libéralisme ne va pas jouer aussi là-dessus, justement pour apparaître plus transformé, plus attrayant, ouais. Plus attrayant, exactement. Bah oui, forcément, vu que l'écologie est la thématique qui a le vent en poupe, a fortiori depuis la crise. Et la santé. Mais je pense que la santé, d'ailleurs, pas pour moi, après, on peut en discuter, mais je pense que ce sera sans doute peut-être le secteur qui va être préservé. Mais tous les autres secteurs vont sans doute, si, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais forcément, l'État va s'endetter, et on peut penser qu'il y aura un retour de bâton, et que dans quelques mois ou dans quelques années, on vous dira, écoutez, l'État est endetté, donc il va falloir se serrer la ceinture. Sans doute que là, on ne touchera plus à la santé, parce qu'on s'est dit quand même que ça coûtait finalement très cher de supprimer des lits, mais on n'hésitera pas à supprimer... Une sorte d'austérité à vie, quoi. Voilà, une austérité peut-être pendant 10 ou 20 ans, ou peut-être à vie, effectivement, parce que là, l'endettement va être énorme. Et on peut penser que des pans de la culture, de la justice, de l'éducation, sans doute, feront aussi les frais. Donc je pense qu'effectivement, ce scénario-là montre déjà... Il y a déjà des indices qui montrent effectivement que c'est plutôt ce scénario-là qui tend à être celui qui va être le nôtre pendant les quelques semaines. Et sans doute dans quelques mois, voire peut-être dans quelques années, ce scénario se vérifiera encore d'autant plus avec cette histoire de dette qui va peser très très fortement, en tout cas qui pourra servir de justification à des politiques d'austérité. Et donc ça tend plutôt accréditer cette thèse de ce scénario-là. Mais comme je le disais tout à l'heure, tout dépend encore une fois des rapports de force. Et là, encore une fois, on peut très bien imaginer que la cocotte minute étant quand même voilà, pas mal de gens qui ont été exposés, qui ont travaillé durant le confinement, dans des conditions de travail où ils ont, bon, leur vie a été mise en danger. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment donné une très grande reconnaissance à leur travail. Il y a aussi cette question-là qui va être posée, c'est la question de la division du travail. C'est-à-dire qu'on a bien vu à la faveur de cette crise que finalement, ce n'était pas les traders ou les actionnaires qui nous ont sauvés, c'est la caissière, les éboueurs, etc. Et on peut penser que tous ces gens-là vont pas rester comme ça, et vont devoir... On peut aussi penser que l'histoire, c'est aussi, comme disait Marx, l'histoire, c'est l'éternelle lutte de classe, et les choses sont pas figées. Je pense qu'encore une fois, il faut aussi penser les choses de manière aussi dialectique. Donc oui, il y a une tendance dominante qui est plutôt la tendance à la restauration néolibérale, mais en face de cette tendance-là, il y aura aussi des oppositions, et il se peut que ces oppositions puissent aussi... avoir gain de cause dans la rue ou éventuellement dans les urnes à la faveur des élections qui vont arriver là entre maintenant et 2022. René ? Oui, mais justement, l'inefficacité des solutions, puisque le capitalisme est structurellement en crise depuis longtemps, les différentes solutions qu'on a cherché à apporter n'ont pas abouti. Est-ce que justement les gens vont maintenant, après cette série de crises qu'on a traversées, il y a eu, je vous rappelle, il y a 10 ans, c'est la crise financière, les gens en ont subi les conséquences, maintenant ça recommence avec, on leur dira, il faut serrer la ceinture, etc. Est-ce qu'ils vont pas se détourner de ce modèle finalement en disant non, c'est plus possible? C'est un peu ce que tu disais, Mais on peut glisser du coup vers le second deuxième scénario. Le deuxième scénario proposé par André Godin, qui n'est peut-être malheureusement pas encore celui qu'on souhaiterait, mais qui est aussi une option sur la table. Oui, peut-être une option, peut-être malheureusement probable. Ça, l'histoire nous le dira, et l'avenir nous le dira en tout cas. En tout cas, l'histoire peut déjà nous informer, en tout cas nous donner peut-être un aiguillon, en tout cas nous apporter des éléments de réflexion. Parce que lorsque l'utopie du marché violente trop la société, ce qui était le cas et ce qui est encore le cas, celle-ci, donc cette société, est susceptible de réagir pour se protéger. Et on a des exemples dans l'histoire, c'est bien sûr l'exemple de la montée des fascismes dans les années 30, et donc la montée des régimes autoritaires et réactionnaires durant les années 30, qui était en fait une réponse évidemment à ce libéralisme sauvage qui a eu cours pendant les années 20, avant le 20, avant la crise de 29, tout à fait. Donc on peut penser qu'effectivement, et qu'en plus, les gens étant d'une forme d'anomie résultant de la crise, que les gens demandent, ce qui est déjà le cas, parce qu'on le voit dans les instituts de sondage montrent que les gens veulent une forme de restauration d'un État fort. On peut imaginer que ça pourrait être un scénario plausible. Ceci dit, Romaric Godin et son co-auteur disent que les années 30 sont certes quelque chose qu'on ne peut pas complètement balayer, mais les comparaisons peuvent être aussi assez discutables. D'une part parce que l'individualisme contemporain est quand même beaucoup plus présent que dans les années 30. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de... Dans les années 30, on pouvait trouver des gens qui pouvaient... Il y a un plus grand esprit de sacrifice peut-être pour la nation, pour des idées, c'est beaucoup moins vrai. Bon, je pense que là encore une fois, la comparaison n'est peut-être pas complètement judicieuse. Et puis par ailleurs, les élites actuellement économiques sont pas forcément très prompts à mettre en avant des politiques conservatrices, peut-être à la différence des années 30 où les élites financières étaient peut-être plus proches, c'était le cas notamment du nazisme, où Hitler a été en grande partie, enfin Hitler s'est beaucoup appuyé sur les milieux d'affaires. Je ne suis pas sûr que les milieux d'affaires, par exemple en France, seraient très, encore qu'on peut en discuter, mais serait plutôt favorable, par exemple, au fait que Marine Le Pen soit à la tête du pays. Donc je ne sais pas si vraiment peut-être que là, de ce point de vue-là, les choses vont peut-être changer par rapport aux années 30, mais peut-être qu'il y a un débat, je ne sais pas si Renaud... On peut dire que dans les années 30, on était dans un stade de développement du capitalisme qui était encore essentiellement national. Oui, c'est vrai. Maintenant, on est dans un système complètement internationalisé, mondialisé. Mmh. C'est difficile d'imaginer qu'un État puisse appliquer un nationalisme, je dirais, pur et dur. Et j'ajouterais aussi que, en Europe, pour revenir à ce que tu disais par rapport à la montée de l'individualisme, c'est vrai qu'en Europe, on n'a plus connu de guerre depuis trois quarts de siècle aussi. Que dans les années 30, la classe bourgeoise était aussi obnubilée par la lutte des classes qu'elle voulait absolument éviter. Voilà. La réflexion que je faisais par rapport à ça, c'est que quand on parle de ce néo-illibéralisme, on pense notamment aujourd'hui, nos contemporains de ce mouvement, ça va être Bolsonaro, ça va être Trump, ça va être, Boris Johnson, qui, de notre point de vue, entre guillemets, français, ou de notre fenêtre, n'ont pas une aura de victoire complète. On les voit un peu comme des personnages hauts en couleur, qu'on peut tourner en dérision assez facilement. Mais je me demande si, au sein des pays, les personnes qui sont derrière ces personnages et derrière ces mouvements, eux, ne le vivent pas de façon très sérieuse. Et donc, du coup, moi, je le mettrais un peu en parallèle, non pas des années 30 et du fascisme des années 30, mais de l'époque des grandes figures, entre guillemets, dans les années 50-60, où on aurait un retour, par exemple, d'une image type Général de Gaulle, qui est devenue une image assez courante, qui n'est plus très iconoclaste. Enfin, c'est des hommes forts. Voilà, c'est des hommes forts qui prennent des décisions qui sont... en fait, on gomme l'autoritarisme de ces personnages historiques et on se rappelle à eux. Enfin, tout le monde se rappelle du gaullisme aujourd'hui. C'est quand même devenu assez... Même à gauche, c'est devenu assez courant. Mais on oublie de se rappeler que Général de Gaulle est arrivé au pouvoir via un coup d'État. On oublie de rappeler que c'est une époque où il existait un ministère de la censure et où, en fait, on avait un État beaucoup plus autoritaire que celui qu'on a aujourd'hui. Moi, je voulais dire simplement que la période voit quand même, a vu une répression intense des mouvements sociaux et de tout ce qui peut se passer, ce qui a pu se passer au niveau des mobilisations sur la retraite, mais aussi des gilets jaunes qui ont certainement dégusté plus que les syndicalistes. Bon, il y a tout ça qui fait que il y a quand même un problème de consentement du peuple au néolibéralisme qui est de plus en plus discuté. Des luttes qui, malheureusement, n'ont pas actuellement, n'entrevoient pas en tout cas de débouchés politiques. Bon, le néolibéralisme continue un peu son bonhomme de chemin, mais il y a le problème aussi que le néolibéralisme peut très bien céder la place à un pouvoir autoritaire ou populiste, simplement, dans une période où il pourrait se régénérer et... pendant ce temps-là, le peuple serait un peu obligé de se tenir. Enfin, moi j'ai toujours en tête cette vieille affirmation qui était plutôt Hitler que le Front populaire. Hein. C'était ce que disait une certaine bourgeoisie dans les années 30. Et la bourgeoisie peut aussi, quand ça va mal, faire le choix de l'autoritarisme. Tout à fait. Alors, ce que dit Romeric Godin dans son papier, là, ils disent qu'effectivement, sur les pouvoirs un peu populistes. Entre guillemets populiste, parce qu'à chaque fois qu'on utilise ce terme, il faut être toujours très prudent sur la. Parce que c'est un terme un peu fourre-tout et qui sert souvent à disqualifier plutôt qu'à expliquer. Ils disent qu'effectivement, un pouvoir illibéral serait aussi un pouvoir qui, finalement, pourrait jouer le jeu du marché, mais qui tirerait sa légitimité d'un déplacement de la compétition politique non plus sur le terrain social, mais sur le terrain identitaire. C'est ce que fait Orban. Culturel identitaire. Voilà, culturel identitaire. Il me semble que Orban D'ailleurs, on est l'exemple, parce qu'effectivement, je crois qu'il y avait eu un... Il n'y a pas eu, je crois, il y a 2 ans, une polémique sur le fait qu'Orban voulait baisser les salaires des ouvriers, enfin des sous-traitants qui travaillaient pour les industries allemandes. Et alors qu'a priori, on pourrait penser qu'il aurait pu être... Il aurait dû être contre, il aurait dû défendre par protectionnisme, et finalement il a cédé au chantage du patronat allemand, parce que la Hongrie, effectivement, étant un pays qui sous-traite, voilà. C'était un chantage à l'emploi. Alors voilà, et il y a une partie de son électorat qui finalement est descendue dans la rue, parce que c'était quand même pas tout à fait dans son programme. Et en même temps, Orban, évidemment, est très conservateur sur les questions identitaires, antisémites, et bien sûr. Essaye de renouer avec les valeurs de l'empire austro-hongrois, etc. Donc on peut tout à fait imaginer un pouvoir, ce qu'on pourrait appeler un pouvoir illibéral, c'est-à-dire c'est un pouvoir finalement très libéral sur le plan économique, et qui reste néolibéral de manière assez classique, mais qui utilise les questions identitaires pour asseoir sa légitimité, et donc pérenniser son pouvoir. C'est ce que fait plus ou moins aussi d'ailleurs le PiS en Pologne, quoi, qu'en Pologne ils font aussi des politiques sociales, contrairement à ce qu'on pense en France. Mais ça se fait également, c'est matiné par des. C'est doublé d'une politique assez conservatrice où on va favoriser la place de la femme et rester au foyer, etc. Donc voilà, c'est peut-être ça effectivement. Dans ce que Godin appelle le scénario illibéral, c'est peut-être finalement une forme de néolibéralisme, mais qui passerait par le terrain culturel, identitaire, pour mieux asseoir sa légitimité et son pouvoir. Tout en étant plus redistributif pour les nationaux, en fait. Alors que les catégories plus fragiles ou étrangères ou seraient, elles, carrément mises encore plus exclues qu'elles le sont actuellement. Voilà. Et stigmatisées, certainement, aussi. Quentin ? Moi, je me permets de réagir sur le... comment dire, on a un effet de glissement. Alors, j'essaie de formuler parce que c'est. Je présente un propos auquel j'adhère partiellement, c'est une grille de lecture, c'est la grille de lecture médiatique, c'est-à-dire quelles sont les idées présentes dans le contexte médiatique, qui les met en avant et d'où elles viennent et depuis combien de temps elles sont là. Donc on voit par exemple dernièrement le fait qu'on ait Éric Zemmour, qui a une présence à la télévision qui est de plus en plus importante, et une paire de chroniqueurs, on a, il me semble, Elisabeth Lévy, qui est... la patronne de Causeur, qui a elle aussi une présence de plus importante dans les médias, l'heure des pros de Pascal Pro, qui devient un défouloir, voilà, je vais éviter d'utiliser des mots trop insultants, mais on voit que cette place donnée par les médias est donnée sur des médias privés qui appartiennent à des grandes fortunes ou à des grands groupes français. Et à travers ça, alors il ne faut pas prendre cette lecture comme absolue, mais est-ce qu'il n'y a pas l'organisation d'une alternance possible ? Est-ce qu'on n'a pas le patronat qui à la fois donne des gages à une alternance autoritaire, mais aussi à la volonté de mettre la pression sur les néolibéraux entre guillemets classiques comme LREM en disant attention, si vous n'allez pas entièrement dans notre sens, nous on est capable de retourner votre veste et de soutenir l'alternance à votre solution. Et je pense que c'est ce qui rend aussi ce scénario illibéral réaliste et qui fait qu'il pourrait arriver, c'est qu'on a aussi dans l'espace public, dans l'espace médiatique, une normalisation de ces idées qui sont de plus en plus représentées, notamment sur les chaînes privées, en fait. Oui, l'air du temps est clairement à la réaction, effectivement, mais en même temps, il y a aussi, on le voit aussi sur le mouvement du racisme, les mouvements actuels sur le racisme, on a aussi, heureusement, des composantes progressistes, et donc les choses, encore une fois, sont dialectiques, mais je suis d'accord sur l'espace médiatique. C'est plutôt les idées rances et nauséabondes de Zemmour qui ont cours que les idées progressistes sur la question. Et Zemmour, comme vous le savez, se vend très bien. Les livres de Zemmour se vendent très bien. C'est un indice, me semble-t-il, encore une fois, de l'air du temps. Mais juste une parenthèse, c'est pas seulement Zemmour et les bon au niveau de l'extrême droite ou Valeurs Actuelles, c'est aussi des éditorialistes bon chic bon genre comme Jean-Michel Apathy ou Éric Barbier. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça qui fait bon de BFM TV. Enfin, c'est aussi Christophe Barbier, excusez-moi. C'est aussi tout ça qui fait quand même un certain air du temps, quoi. Oui, donc ce néo-illibéralisme, ce serait en fait un compromis de classe. Dont les détenteurs de capitaux seraient toujours gagnants, bien sûr, qui seraient plus favorables aux citoyens nationaux, bien sûr, au détriment des autres. Mais attention, en temps de crise et de réduction des gains à partager, ça pourrait bien disparaître et on retomberait dans l'austérité dans le type du scénario 1, par exemple. Voilà, c'est fort probable. Donc, on va reprendre sur la troisième partie de l'article de Romaric Godin, enfin le troisième scénario qui est développé, qu'il intitule lui-même « Le douteux renouveau de la social-démocratie ». L'idée derrière ce renouveau de la social-démocratie, c'est l'éveil d'un Green New Deal, d'un mélange rose-vert, rouge-vert, ça dépend un peu de comment on le lit. On peut voir des mouvements en France tels que Génération, tels que La France Insoumise, mais aussi en donnant un peu de parcimonie, le fait que le PS commence à migrer sur sa gauche pour se démarquer de LREM et pour faire oublier un peu le quinquennat Hollande et la partie, enfin comment dire, l'épisode de Valls Premier ministre. Tout ça fait qu'il y a une présence qui s'affirme à gauche et une présence qui a gagné de la force grâce à la crise du coronavirus parce que son opposition au néolibéralisme trouve une démonstration flagrante de tous les problèmes qui ont été présentés. Ce scénario-là, par contre, s'inscrit comme l'hypothèse que les gens vont massivement adhérer à cette contestation du libéralisme, vont massivement voter, et donc du coup dans la construction, donc en France avec l'élection présidentielle 2022, ou bien au niveau européen, ou bien à une autre échelle, les électeurs inscriraient, du coup, donneraient champ libre à une politique de social-démocratie liée à une forte proportion d'écologie. Mais très rapidement, Romaric Godin, dans son article, rappelle tous les murs et toutes les contraintes qui vont se poser sur cet éventuel gouvernement social-démocrate ou socialiste qui viendrait au pouvoir. Il rappelle l'article de Frédéric Lordon qui a été publié sur son blog La Pompe à Finance, qui s'appelle « Ils ne lâcheront rien ». Et en fait, dans cet article de Frédéric Lordon et à la fois dans le propos de Romaric Godin, on rappelle un blocage idéologique fort et la capacité des acteurs du marché, des acteurs privés, de s'opposer fortement à un développement de cet idéal par la voie politique. Donc on peut peut-être en discuter, je ne sais pas si vous voulez réagir directement. Après, moi je voulais développer peut-être sur la façon dont les patrons, les médias, les investisseurs peuvent s'attaquer à cette idée. On parlait de peur tout à l'heure, on disait que le néolibéralisme était carburé à la peur parce qu'on va continuer dans ce qu'on faisait avant et c'est quelque chose de rassurant. Et je pense que c'est aussi un des gros problèmes que pourrait avoir cette hypothèse d'un renouveau sociodémocrate, c'est qu'on va avoir des médias qui vont reprendre la petite chanson habituelle, qui vont reprendre le discours de dire « mais vous vous rendez compte, la dette, vous vous rendez compte, il faut faire de l'austérité, vous vous rendez compte, il faut être compétitif sur la compétition internationale ». Et je pense que c'est ça un des premiers freins de cette hypothèse et un des premiers éléments qui rend ce scénario compliqué, c'est voilà, ce frein à la fois médiatique et politique. René ? Ben, là aussi, je pense qu'ils vont les médias vont jouer sur la peur de l'inconnu, un peu, en disant qu'est-ce qu'on nous propose là ? Bon, là, ce que vous avez, au moins vous le connaissez, même si vous n'êtes peut-être pas très satisfait, mais là, où est-ce qu'on nous engage ? Est-ce que ce sera peut-être pire, etc. Oui, ils peuvent jouer aussi là-dessus. Ouais, moi je pense déjà à bon, l'article de Lordon, mais aussi dans son dernier livre, Vivre sans, où il parle d'une situation d'un pouvoir vraiment à gauche qui arriverait en France, qui serait dégommé par les marchés en quelques jours, en quelques semaines. Donc bon, ça aussi c'est la question du nombre et de ce qu'on peut faire contre le capitalisme, pour ne pas le nommer. Et ensuite, bon, il y a aussi des termes à affiner. Bon, la social-démocratie est quand même en crise depuis très longtemps. On parle maintenant de social-libéralisme. Un gouvernement social-démocrate, enfin, tel qu'on l'a connu à travers les pays nordiques, par exemple, c'était quand même un État qui jouait son rôle dans l'économie. C'était des syndicats forts, c'était de la redistribution. Bon, on n'a pas connu ça avec les sociolibéraux, que ce soit Hollande ou les autres en Europe. Et bon, sur le Green New Deal, c'est quelque chose d'intéressant tant que ça ne reste pas du greenwashing et de l'écologie de marché, comme on peut dire. Bon, maintenant, on a quand même, avec les marches climat, avec tout le discours écologique, on sait que le monde est fini et de toute façon, le capitalisme peut pas non plus se perpétuer à l'infini. Mais bon, il faudrait, puisqu'on parle de New Deal, il faudrait aussi des mesures étatiques assez fortes, telles que les avait imaginées un Roosevelt et avec Keynes dans les années 30 aux USA. Alors, si j'ai bien compris, sur le New Green Deal, il y a vraiment l'idée de, pardon, sa vision, on va dire, maximaliste, hein, qui n'est peut-être pas celle portée par la Commission européenne, mais c'est même sûr. Il y a vraiment l'idée de mettre hors marché une partie de la finance, et notamment pour l'empêcher de nuire et donc la canaliser, donc, vers des projets soutenables. Et je pense qu'un des obstacles à cette politique-là, c'est, comme l'hypothèse néofasciste qu'on a abordée, et c'est ce que dit Godin, c'est que finalement, le problème, c'est qu'on a une bourgeoisie qui n'est plus intégrée dans des compromis nationaux du fait de la mondialisation, et que, que d'autre part, l'environnement géopolitique a changé, avec notamment la disparition du bloc communiste, qui finalement a été permettait en fait avec comme le communisme faisait bloc avec le capitalisme, finalement le point d'équilibre c'était quoi? C'était la social-démocratie. C'est ce qui s'est passé en Europe occidentale finalement sans le et dès lors que le mur de Berlin est tombé, bah forcément la social-démocratie, c'est une des raisons entre autres, hein, mais la social-démocratie historique, enfin qui pouvait correspondre à ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, etc., d'autres raisons, n'a pas pu se maintenir. Et il y a aussi bien sûr la mondialisation qui est en fait le grand phénomène. C'est qu'à l'époque des années 60, des années 50-60, on avait encore une bourgeoisie capitaliste qui était relativement intégrée, enchâssée dans l'État-nation. Bon, à partir des années 70 et encore plus dans les années 80, tout ça s'est terminé et on a maintenant évidemment la circulation des capitaux. Et donc, à partir de là, on peut créer le rapport de force est beaucoup moins favorable. Et du coup, la social-démocratie qui était basée justement là-dessus sur une forme de compromis de classe, ne tient plus. Donc, on peut penser qu'effectivement, cette social-démocratie new look, renouvelée, bon, mue par des intentions qu'on peut tout à fait qualifier, voilà, qu'on peut aussi, qui sont tout à fait louables, bon, butera sans doute sur cette transformation structurelle du capitalisme. Quentin ? Je pense aussi que il y a des oppositions de principe entre la radicalité, alors je vais mettre entre guillemets, d'une proposition vraiment socialiste et vraiment écologiste, avec l'idéologie de marché mondialisé qui est installée depuis longtemps. C'est-à-dire que quand on va dire, d'un point de vue écologique, il va falloir diviser par 3 notre quantité de viande consommée, il va falloir diviser par 2 le nombre de déplacements en voiture, il va falloir réduire drastiquement la quantité de voyages en avion, En fait, la réponse à chaque fois est la même. La réponse, c'est l'emploi et la société, la croissance, etc. Et c'est vrai qu'on voit quand on parle de comment dire quand on parle d'éveil écologique français, on voit qu'Emmanuel Macron dans sa déclaration de dimanche parle de croissance verte. Et là, on peut tout de suite se frapper la tête sur les murs en disant non, mais croissance verte, c'est exactement le terme qui ne va pas en fait. Mais c'est pourtant exactement ce qu'ils veulent, quoi, parce que la croissance verte, tout ce qui les intéresse, en tout cas dans le vert, c'est de pouvoir continuer la croissance, justement, avec des alibis écologiques, mais qui sont dérisoires par rapport à ce qu'il faudrait faire. Du coup, Didier, donc sur le quatrième scénario, donc c'est le scénario le plus, on va dire, le plus optimiste et également le plus utopiste. Avec donc des points qui sont relevés. Bon, on parle du salaire à vie dont Friot se fait l'ardent défenseur. On parle aussi du revenu de base. On parle de réhabilitation du travail. On parle des communs, donc de tout ce qui est socialisme des besoins. On parle aussi de décroissance. On parle de d'un ouvrage de Jean-Marie Arribé qui s'appelait justement la grande bifurcation. Et qui justement imaginait cet abandon, enfin sortir, disons, du capitalisme pour entamer justement des chantiers qui sont populaires à gauche, puisque le point s'appelle post-écologie et inclusive. Donc c'est quand même pour le coup une refonte totale des institutions et du politique pour en venir à des scénarios qui seraient vraiment souhaitables à gauche. Oui, alors je pense que dans l'écosocialisme, effectivement, enfin, il y a entre le scénario 4 esquissé par Godin et Fabien Scaluna, ça tourne beaucoup autour de ce qu'on appelle l'écosocialisme. Il y a effectivement il y a énormément de penseurs effectivement qui ont réfléchi à tout ça. Il y a Jean-Marie Ribet que tu citais, mais il y a aussi Ramzig Kecheyan, un sociologue. Publié un bouquin l'année dernière donc sur la question des besoins, sur le fait qu'on a un capitalisme qui évidemment ne s'intéresse pas à la. Pour reprendre les catégories de Marx, ne s'intéresse qu'à la valeur d'échange et non à la valeur d'usage, c'est-à-dire à la valeur intrinsèque d'un produit. Et du coup, un capitalisme qui ne répond pas aux besoins. Et donc je pense qu'effectivement, ce scénario-là, c'est une remise en cause radicale, effectivement. Radical au sens de Marx, encore une fois, c'est Marx utilisait le mot radical dans le sens où on prend les choses à la racine, et je pense que c'est ça qui est proposé donc, par tous ces penseurs, c'est de reprendre, et c'est la différence avec le scénario 3 donc, du social-démocrate, qui finalement reste finalement sur une ligne un peu réformiste, et là on a vraiment une rupture radicale avec aussi toute une critique aussi de la. Bon, qui n'est peut-être pas évoquée dans l'article de Godin, mais qui est évoquée par Lordon, qui est la critique de la division sociale du travail. Mmh. On remet en cause, et ça les sociodémocrates n'en parlent pas trop, parce que déjà ils ne parlent plus trop de la question du travail, c'est une remise en cause de la. Bah, de la division, enfin de cette extrême division sociale du travail, qui en plus maintenant s'est mondialisée. Et je pense que encore une fois à la faveur de cette crise, on le voit, que on voit très bien qu'il y a une. Bah, on a bien vu qu'effectivement les gens qui nous ont qui ont été utiles, parce qu'on parle d'utilité sociale, bon, bah, c'est pas ceux que on défendait, qu'on mettait en haut de qui sont généralement perçus comme les gens qui sont qui sont ceux qui font marcher voilà, la boutique. Quoi. Là, on avait clairement les gens qui étaient du bas, et les gens qui, effectivement, sont en bas de l'échelle sociale, on pourrait très bien imaginer, dans une critique très radicale du système, que les professions qui sont d'habitude plutôt dévalorisées soient plutôt valorisées. Donc on aurait peut-être, en tout cas c'est ça qui est esquissé, me semble-t-il, c'est une remise en cause totalement de la division sociale du travail qu'on connaît. Et évidemment, ce scénario-là, pour l'instant, il est évidemment encore très, très, très utopique, mais on peut imaginer que. On peut tout à fait imaginer qu'un jour, on en arrive à une forme de redéfinition certaines revalorisations de certaines tâches, et à l'inverse, dévalorisation de certaines tâches qui seront perçues comme, notamment la finance, etc., qui pourront être perçues comme étant, pour certains, pour prendre le titre d'un film qui a eu la Palme d'Or il y a 2 ans, comme étant des parasites, enfin, des gens qui, voilà, qui ne contribuent pas à l'intérêt général. Et voilà, c'est une formulation qui est effectivement très intéressante, mais qui pour l'instant reste encore très, très théorique. René ? Je veux dire, en somme, c'est revaloriser, enfin, c'est mettre en avant le travail socialement utile. C'est ça. Et d'autre part, je dirais, c'est quand même une vision désirable, mais de long terme. À long terme. Non, juste pour, puisque c'était annoncé au sommaire par René, donc sur le dossier de Politis sur le printemps des gauches, donc qui fait suite un peu à ce point 4. Donc, c'est le numéro 1605 de Politis, donc du 28 mai au 3 juin, et ça s'appelle Le réveil des gauches avec. Y a-t-il un printemps des gauches avec un point d'interrogation ? Donc, Politis a quand même dans son ADN la volonté de mener conjointement écologie et sociale, et aussi de faire l'unité à gauche. Comme l'atteste d'ailleurs l'interview de la semaine d'après entre Philippe Martinez de la CGT et Jean-François Julliard de Greenpeace. Donc on part dans ce numéro de Politis, on part des appels dont on a déjà parlé, plus jamais ça, le monde de demain, mais aussi au cœur de la crise, construisons l'avenir, et le programme du Conseil national de la nouvelle résistance, donc des appels qui ont été écrits souvent en tribune pendant le confinement, mais qui ne viennent pas de n'importe où. Enfin, ça vient aussi des mobilisations récentes comme les marches climat, les gilets jaunes, les manifs retraites, mais aussi de ce qui s'était fait au G20 à Biarritz sur des réflexions entre organisations qui n'avaient pas l'habitude de se parler. Donc il y a des convergences qui sont nées du confinement et des outils numériques et qui ont abouti à des rapprochements entre associations, syndicats et partis, avec des thèmes, Ludovic en a cité certains, les relocalisations évidemment, mais aussi les circuits courts, la transition écologique, l'hôpital, les services publics, les nationalisations, répartition des richesses, et j'en passe et des meilleurs. Bon, tout ça, ça a fait, et ça a quand même infusé dans la population, et on ne peut pas dire que maintenant, même si les scénarios 1 et 2 étaient quand même assez pessimistes, on ne peut pas dire en tout cas que ces idées-là ne sont pas quelque part dans l'air du temps. Donc on peut penser qu'il y a une fenêtre de tir pour la gauche, même si il y a de nombreuses défiances. Le fait que les partis se parlent, et les syndicats et les associations, ça ne veut pas dire qu'elles sont prêtes à gouverner ensemble. Il y a aussi tout ce que vous avez dit sur les menées de la droite et du patronat et de l'extrême droite. Tout ça, c'est quand même assez fragile, mais il y a quand même dans l'air du temps des idées qui, il y a encore quelques années, semblaient ou farfelues ou irréalisables. Et Politis propose donc de continuer le débat, donc, notamment sur les 34 propositions de l'appel plus jamais ça, et de favoriser le dialogue entre la société civile et les politiques pour aboutir à un changement dans la rue peut-être ou dans les urnes. Donc c'est quand même un numéro intéressant à lire en tout cas. Je me permets 2 réflexions. La première, c'est on parlait de l'utilité sociale du travail et de l'inutilité possible de la finance. Je pense que par exemple, un métier comme conseiller financier en fusion-acquisition chez Rothschild, c'est peut-être un des métiers qui a moins de valeur utile. Je vous laisse vous souvenir de quel président de la République faisait ce métier-là avant de devenir président. Pour donner un exemple, parce que je pense que c'est bien de rappeler les victoires, un exemple de ce que ce fourmillement d'idées a permis et a réussi très récemment, c'est l'annulation du projet de Notre-Dame-des-Landes, qui a été suivi aussi. Alors, c'est encore en débat, mais il y avait le projet dans le nord de Paris sur le triangle du Gonesse de, triangle de Gonesse, Europa City. Europa City, c'est ça. Donc un vaste parc de loisirs, dont d'ailleurs Auchan était l'un des principaux. Et en fait, c'est le projet, on capotait par une mobilisation populaire, sans passer par les urnes et sans passer par la social-démocratie, parce que pour le coup, Hollande avait maintenu le projet pendant tout son quinquennat sans trop y penser. Alors évidemment, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, c'est une victoire en demi-teinte, parce que le projet de société alternative qui voulait se construire sur le site a été rasé militairement, je pense que c'est le terme approprié, mais on a quand même réussi à empêcher cette construction inutile, ce grand projet inutile, et c'est vrai qu'on voit que, par exemple, ces grands projets inutiles sont des événements fédérateurs. On a la Friche Saint-Sauveur à Lille, on va peut-être pas rallier à la tangente sur l'actualité municipale locale, qui aussi est plus ou moins en flottement et qui pourrait être mis en cause par l'élection municipale qui vient. Et je trouve que ça donne un exemple de lien qui part du fourmillement, qui passe par la réalité concrète de projets, et qui finit sur des conséquences politiques réelles, quoi. C'est pour ça que justement l'alliance, associations qui font leur boulot dans la société civile, des syndicats qui font leur boulot dans le monde du travail, et des politiques qui sont chargés normalement porter la parole, enfin d'une façon plus institutionnelle, je crois que c'est aussi ce triptyque qui peut amener les victoires, quoi, ouais, par la suite. Ouais, tout à fait. Tout cela étant des rapprochements qui sont encore en ébauche et qui doivent normalement, qui vont déboucher sur quelque chose, mais qui sont encore pour l'instant à l'état de brouillon, disons. Les scientifiques eux-mêmes ont évolué. Au début, beaucoup nous disaient que le port du masque en population générale n'était pas nécessaire, que le risque du mauvais usage était supérieur aux avantages espérés. Et nous l'avons répété. Et je l'ai dit. Ils nous disent aujourd'hui, parfois les mêmes, qu'il est préférable, dans de nombreuses circonstances, de porter un masque plutôt que de ne pas en porter, et il me revient donc de le dire, et de faire en sorte que cela soit possible. Depuis plusieurs semaines maintenant, depuis que nous sommes rassurés sur notre capacité à servir les soignants au sens large en masque, nous incitons l'ensemble des acteurs à se procurer des masques. Et les données des douanes le montrent d'ailleurs assez clairement, il rentre bien plus de masques dans le pays que le gouvernement n'en commande. Et croyez-moi, il en commande. Alors, les activités d'attaque, tout d'abord au plan national. Plus jamais ça, nous les avons applaudis, maintenant il nous faut les soutenir. Dans une déclaration commune, 20 organisations associatives et syndicales, dont Attaque France, réunies au sein de la coalition Plus jamais ça, ont lancé un appel à soutenir et à participer aux mobilisations prévues le mardi 16 juin, à l'initiative des personnels de santé. Des rassemblements et mobilisations ont eu lieu partout en France, comme ici à Lille. Le déconfinement des Rosies. Pour rappel, les Rosies ont été l'un des symboles des mobilisations retraites, notamment avec « À cause de Macron ». Elles ont fait leur première sortie les 11 et 16 juin lors des rassemblements de soutien aux soignantes et soignants à Paris. Et après première de corvée, sur l'air d'À cause de Macron, elles préparent une nouvelle chorégraphie, le cri des Rosies. Contre les violences policières et le racisme, et pour le droit de manifester. Suite à la colère suscitée par le meurtre de George Floyd aux États-Unis et après le succès des marches des 2 et 6 juin en soutien au comité Adama, des mobilisations se sont organisées partout en France pour exiger vérité et justice pour les victimes de violences policières. Attaque a appelé à soutenir ces mobilisations et particulièrement la marche nationale du samedi 13 juin. Et dans ce contexte, une bonne nouvelle tout de même. La suspension de l'interdiction du droit de manifester par le juge des référés du Conseil d'État. Mercredi 17 juin, agir contre la réintoxication du monde. Attaque et co-signataire de l'appel Agir contre la réintoxication du monde lancé sur le blog de Mediapart. De nombreuses actions locales sont prévues ce 17 juin contre divers grands projets inutiles et néfastes pour l'environnement, tout en défendant l'idée d'une transition juste pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Ce qui dépend de nous manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire. Avec la pandémie, le mot relocalisation est désormais dans toutes les bouches. Mais la relocalisation peut être et doit être aussi écologique et solidaire. C'est cette voie apte à fédérer largement que détaille ce manifeste auquel ont contribué à l'initiative d'attaque des militantes et des militants, des chercheurs et des chercheuses d'horizons variés. Donc ce qui dépend de nous, donc ce manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent, donc 96 pages, 10 euros. Il sortira en librairie le 24 juin, mais il est consultable dès à présent sous forme électronique sur le site d'Attaque France. Plan de relance de l'Union européenne, une réponse inadéquate à la crise. Le mercredi 27 mai, la Commission européenne a présenté son plan de relance en réponse à la crise du coronavirus. Pour le réseau altermondialiste ATTAC, ce plan n'est pas une réponse adéquate à la crise actuelle, comme le souligne Elisabeth Klatzer d'ATTAC Autriche. Alors je cite, « La proposition ne modifie pas les problèmes structurels de l'Union européenne et de la zone euro. La BCE est supposée continuer à ne pas financer directement les États alors qu'il est maintenant devenu indispensable de le faire. Le plus logique serait que les États se financent directement auprès de la Banque centrale européenne à des taux d'intérêt bas afin de mener une transformation socio-écologique devenue nécessaire, mais cette voie est bloquée par les traités de l'Union européenne. Enfin, les relations économiques entre les États membres sont toujours basées sur la concurrence fiscale et géographique et non sur la coopération. Ainsi, les règles actuelles de l'Union européenne empêchent une solution efficace à la crise. A contrario, ATTAC, avec une vingtaine d'organisations, a présenté un modèle, les 34 mesures du plan de sortie de crise, qui peuvent être mises en œuvre de manière coordonnée, tant au niveau national qu'au niveau européen. Au plan local, samedi 13 juin, donc manifestation contre les violences policières à Lille, plusieurs militants d'ATTAC étaient présents. L'un d'entre eux a été interviewé par FR3 et nous a signalé que ses propos ont été édulcorés dans le journal télévisé de samedi soir. Il a d'ailleurs envoyé un courrier à FR3. Mardi 16 juin, plus jamais ça, nous les avions applaudis, maintenant il nous faut les soutenir. Les trois comités locaux ATTAC de la métropole étaient présents au rassemblement qui a eu lieu cet après-midi à 14h30, place de la République à Lille, suite à l'appel national, et qui d'ailleurs a connu un vif succès, vu qu'on était quand même on peut le dire nombreux. Mercredi 17 juin, contre la réintoxication du monde. De même que nous avons souhaité relayer localement, donc le mardi 16 juin, nous relayons cet autre appel national, la lutte menée par le collectif PARC, dont d'ailleurs nous faisons partie, contre la bétonisation de la friche Saint-Sauveur, exemple typique de ces grands projets inutiles et destructeurs. Décidément. PARC et les comités locaux d'ATTAC sont co-signataires de l'appel et vous invitent demain, mercredi 17 juin, à un apéro rencontre découverte sur le Belvédère à 18h30 avec au programme un spectacle et diverses animations. L'entrée est face au 116, en face du 116 terre rue de Cambrai, proximité du métro Porte de Valenciennes. Enfin, la gratuité des transports publics. ATTAC Roubaix Tourcoing a lancé une pétition électronique pour la gratuité totale des transports à Roubaix, en s'adressant aux deux candidats en lice pour le second tour des municipales. Cette pétition fait suite à la campagne de porte-à-porte qui a dû être interrompue avec le confinement. Une conférence de presse s'est tenue le jeudi 11 juin. Didier, peux-tu nous en dire quelques mots ? Sur la conférence de presse, malheureusement, on n'a pas eu de presse puisque les journalistes ne sont pas venus. Mais bon, sur la pétition, donc je rappelle l'adresse, c'est transportgratuit@roubaix.fr. Donc on encourage vraiment les Roubaisiens et les autres en soutien à signer cette pétition. Bon, c'est le fruit d'un travail de militant de 3 ans déjà dans les quartiers, à travers les comités de quartier, à travers les centres sociaux, et un travail universitaire aussi. Donc, René l'a dit, c'est pour aussi voir le positionnement des candidats. Enfin, la dernière pétition électronique, puisqu'il y avait eu des pétitions papier avant, on était quand même arrivé à un chiffre assez considérable. Donc voilà, en tout cas, on fera de la publicité pour cette adresse, pour ce site, et on engage tous les Roubaisiens et les autres à nous soutenir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous écouter. Merci à Florent pour le montage. On n'avait pas forcément cité en introduction. Et puis, une bonne journée et à la bonne prochaine. Bonne journée et à la prochaine. Septembre. Peut-être juillet. Juillet. Juillet.